Psaume 94. Ô Éternel, qui est le Dieu fort des vengeances, le Dieu fort des vengeances, fais reluire ta splendeur. Toi, juge de la terre, élève-toi, rends la récompense aux orgueilleux. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants s'égayeront-ils? Jusqu'à quand tous les ouvriers d'iniquité, proféreront-ils et diront-ils des paroles rudes, et se vanteront-ils? Éternel, ils froissent ton peuple, et affligent ton héritage. Ils tuent la veuve et l'étranger, et ils mettent à mort les orphelins. Et ils ont dit, l'Éternel ne le verra point, le Dieu de Jacob n'en entendra rien. Vous, les plus abrutis d'entre le peuple, prenez garde à ceci, et vous, insensés, quand serez-vous intelligents? Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il point? Celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il point? Celui qui châtie les nations, celui qui enseigne la science aux hommes, ne censurera-t-il point? L'Éternel connaît que les pensées des hommes ne sont que vanité. Oh, que bienheureux est l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, afin que tu le mettes à couvert des jours d'adversité, jusqu'à ce que la fosse soit creusée aux méchants. Car l'Éternel ne délaissera point son peuple, et n'abandonnera point son héritage. C'est pourquoi le jugement s'unira à la justice, et tous ceux qui sont droits de cœur, le suivront. Qui est-ce qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui est-ce qui m'assistera contre les ouvriers d'iniquité? Si l'Éternel ne m'eût été en aide, mon âme eût été n'en peut loger dans le lieu du silence. Si j'ai dit, mon pied a glissé, ta bonté, ô Éternel, m'a soutenu. Quand j'avais beaucoup de pensées au-dedans de moi, tes consolations ont récréé mon âme. Le tribunal des méchants qui machinent du mal, contre les règles de la justice, sera-t-il joint à toi? Il s'attroupe contre l'âme du juste, et condamne son innocent. Or l'Éternel m'a été pour une autre traite, et mon Dieu, pour le rocher de mon refuge. Il fera retourner sur eux leur outrage, et les détruira par leur propre malice. L'Éternel, notre Dieu, les détruira.